Salut à tous et à toutes, c'est Génération Manga, épisode 484. Et aujourd'hui, nous avons Actarus. Wow. Salut tout le monde. Voilà, alors on va vous parler de plein de petites choses sympathiques. Hein. Il y a l'album de Savelli, Manga Story, qui est sorti, et donc on va pouvoir vous en parler. On va vous parler aussi du doublage des films de Goldorak, on va vous parler de plein de choses. Hein. Mais de Saint Seiya également. De Saint Seiya aussi, Soul of Gold, tout ça. Et je vais commencer par te faire écouter, parce que je pense que tu n'as pas dû l'entendre, le générique de Antic. Ouh, non, ça me parle pas. Et ça te parle pas, donc c'est une série italienne qui est sortie en 2010 sur Télétoon, donc ouais. Que j'ai passé à nos chers auditeurs et tristes la semaine dernière. Et donc je vais repasser un petit coup cette semaine et te la faire découvrir à l'occasion, ainsi tu pourras me donner ton impression. Série italo-italienne ou un port qui a été italianisé? Ça a l'air d'être italo-italien. D'accord. Et sinon, graphiquement, ça ressemble un peu à des Winx ou des trucs comme ça, tu vois. Ah oui, des couleurs fluo, un peu trop... Oui, en fait, c'est surtout qu'il n'y a pas beaucoup de profondeur dans les dessins, tu vois. C'est ouais. Des dessins un peu simplistes, un peu à la française, genre Princesse Sissi, tu vois, c'est 90, donc c'est un peu en retard. Alors, j'ai essayé de regarder un épisode, c'est pas folichon. Mais par contre, le générique, lui, il envoie du bois. Donc, allez, on va s'écouter ce superbe générique de Antic. Dans la nuit et ses mystères, quand les ombres font peur, le pouvoir de la lumière éclairera ton cœur. N'abandonne pas, n'abandonne pas, si tu es fort, tu auras tout le pouvoir. Garde la foi, tu survivras. Des jours anciens, raconte une belle histoire. Un pour tous et tous pour un, combattant pour la gloire. N'abandonne pas, n'abandonne pas, si tu es fort, tu auras tout le pouvoir. Garde la foi, tu survivras. C'est pas mal, hein. Hein, t'as vu, ça envoie du bois, ouais. J'aime bien, hein. Ah, ça met en appétit, hein, t'as presque envie de voir le dessin animé qui va avec. Ah, tu vois, hein, tu vois, j'ai piqué ta curiosité. Ouais, c'est bien rock'n'roll, c'est bien... Ouais, non, c'est pas mal. Pas ah, mal j'aime tout, bien. Quoi. Donc du coup, je l'ai ajouté à ma playlist pour la fête de la musique, hein, prochaine, vous allez la bouffer, je vais la chanter, hein. Eh ben, t'as bien raison. Ah, t'as bien raison. Non, non, pour une fois qu'il y a une chanson qui envoie du lourd, c'est bien. Donc, ouais, c'est chouette. C'est très rare. Donc je remercie Rio qui m'a fait découvrir parce que forcément j'avais pas Télétoon, donc je risquais pas de tomber dessus par accident. Donc il m'a fait entendre ça et franchement j'ai eu le coup de foudre là. J'adore cette chanson. Bah, je vais jeter un petit coup d'œil voir si je peux voir l'animé parce que du coup ça met en appétit. Et donc il y a deux saisons. Il doit y avoir au moins 26 épisodes ou 52, un truc comme ça. Donc 52 je crois. Okay. Donc voilà, tu sais, jeter un œil, peut-être que ça te plaira, je sais pas. Et écoute, à voir. Donc Antic, hein, c'est comme Hunter mais TIC à la fin, quoi. Okay. Un tic. Voilà. Je note. Alors, de quoi veux-tu que nous parlions en premier? Eh ben de Saint Seiya, Soul of Gold. Eh ben allons-y, c'est parti. Parce que c'est une série qui me plaît beaucoup. Alors, j'ai entendu des critiques. Effectivement, il y a des choses à redire. Graphiquement, c'est pas parfait. Oui. Au niveau des musiques, on avait une BO qui était magnifique, qui était majestueuse de Yokoyama. Bien sûr. Là, la musique, elle est complètement absente. Enfin, on l'entend pas. Elle est anecdotique. Elle est anecdotique par rapport au reste de la série. Par contre, scénaristiquement, eh ben là, ils te foutent une grosse baffe parce que c'est excellent. Voilà. C'est vraiment excellent. Je trouve qu'on se rapproche vraiment de la série initiale et même qu'on va un petit peu plus loin dans l'intrigue, dans le scénario. Donc, ce qui n'est pas pour me déplaire. Et surtout, ça développe les caractéristiques particulières des chevaliers d'or qu'on avait à peine esquissées dans la série, en fait. Oui, alors il y a des chevaliers d'or qui restaient vraiment... on prend l'exemple du cancer... où le personnage était complètement presque ridicule en fait dans la série initiale. Bah, c'était surtout une grosse saloperie pour ce qu'on en voyait. C'était ouais et on savait pas pourquoi il était devenu comme ça, on savait pas. Là tu vois un autre masque du cancer, une autre facette du cancer qui est vraiment sympathique. Et on développe vraiment tous les Chevaliers d'Or, bah, ce qu'on attend depuis, bah, depuis la première série, parce que c'est vrai que les Chevaliers d'Or ont été passés un petit peu vite sur le background et sur leur passé. Donc c'est, oui, et c'est pourtant, pas mal. Ils arrivaient à être charismatiques malgré qu'on ne savait pas grand-chose sur eux. Mais je pense que c'est ce qui les rendait charismatiques, voilà. Justement, parce que c'était, dès que tu tombais sur une, dans une nouvelle maison, sur un nouveau Chevalier d'Or, c'était, c'était un événement et tu avais vraiment quelque chose qui arrivait. Alors, et là, tu vas un petit peu plus loin dans ces Chevaliers d'Or. C'est intéressant, vraiment intéressant. Ça se passe à Asgard en plus, qui est un arc quand même assez sympa sur la série initiale, donc c'est pas pour me déplaire non plus. Après, le regret, oui, effectivement, ils auraient pu conserver la BO de Yokohama, qui était vraiment un tantinet enfin, bien supérieur à ce qu'on peut entendre même sur cette série-là. Ah bah c'est Yokoyama, c'était du lyrique. D'ailleurs, il y aura un concert l'année prochaine de nouveau. Il y en a déjà Pegasus eu un premier. Pegasus Symphony, ils ont changé de salle. Voilà, dis-nous tout. Oui, donc le premier, j'y ai assisté. J'étais un peu déçu d'ailleurs, parce que je m'attendais justement à en prendre plein les oreilles. Et la salle ne s'y prêtait pas du tout. C'était dans la salle du Grand Rex, qui à mon avis a une acoustique qui n'est pas faite pour ce genre de concert, parce que c'est un philharmonique. Mm-hmm. On avait uniquement une trentaine de musiciens. Saint Seiya en mérite bien plus, parce qu'on a vraiment une bande-son qui est... fantastique. Ouais, c'est vraiment l'orchestre. De c'est vraiment un orchestre complet. Donc là, visiblement, ils vont rectifier le tir, parce que pour la prochaine session, il y aura plus de 50 musiciens. Alors qu'il y en avait qu'une vingtaine. Il y en avait, ouais, 20, 25 peut-être, mais c'était vraiment pas énorme. C'était pas... en plus, au niveau régulation, ingénieur, enfin, l'ingé son a dû merder un petit peu, parce qu'il y avait la guitare électrique qui était totalement effacée, le solo de flûte traversière, tu n'entendais pas la flûte traversière, c'était un petit peu fâcheux. Voilà, donc il y avait des ratés. Je pense qu'ils vont, rectifier le tir. Il n'y avait rien qui était diffusé sur l'écran du fond, alors que là, apparemment, ils vont passer les images, images. Et surtout, cerise sur le gâteau, il y aura une invitée qui a été annoncée, qui est Kawashima. Kawashima, ouais, je crois un truc comme ça. Ouais. J'ai pas retenu son. Enfin, pour ceux que ça parle Kazuko, pas. Kazuko. Voilà, Kawashima. C'est tout simplement celle qui faisait les la qui faisait la toutes la. Les hein, voilà. Toutes les mélopées de Saint Seiya et bah c'est voilà. Alors, rien que pour ça, ça vaut rien le coup. Rien pour quoi. Ça, c'est quelqu'un qui provoque la chair de poule rien quand elle. Ouais. Donc il faut y aller. À mon avis, il faut y aller. On va vraiment en prendre plein les oreilles. Ouais, donc ça va être vraiment le truc à pas louper. Donc on revient sur Soul of Gold. Oui, donc on en est à l'épisode 4, c'est ça? On en est à l'épisode 4, oui. Voilà, donc... ça sort tous les 15 jours, hein, pour ceux qui se posent la question, parce qu'on me l'a demandé. Et c'est en simulcast, ça passe sur manga, donc en J+1. Donc ça doit passer fin de semaine au Japon, et on l'a le mardi en France, en sous-titré. Voilà, mais on est le seul pays où on l'a sur une chaîne, et non pas en disposition gratuite d'Internet, comme il y avait eu Sailor Moon Crystal. Eh oui. Bon, néanmoins, rassurez-vous, ceux qui veulent quand même le voir n'ayant pas la chaîne, on y arrive aussi, hein, évidemment. Évidemment. Mais, voilà. Ouais. Alors, mais c'est vrai que c'est, voilà, c'est une bonne chose qu'ils le passent en simultané. Je pense qu'on aura droit à un doublage sur cette série dans peu de temps, j'espère. Ouais. À mon avis, c'est... Non, mais c'est couru. C'est évident, c'est évident. Et donc, 13 épisodes annoncés pour l'instant. Donc, j'espère que c'est qu'une première saison, parce que j'ai vraiment envie d'en voir un petit peu plus. Oui, c'est vachement bien, donc ça serait bien de développer. On est déjà à 4 épisodes, on a déjà vu quelques chevaliers. On les a, donc, je veux dire, on a réussi à faire 97 épisodes de merde avec Omega, alors on peut bien faire plus d'épisodes de quelque chose qui est bien. Alors, pourquoi c'est bien Soul of Gold? Donc, outre le fait qu'on en apprend plus sur les motivations et le charisme profond des Chevaliers d'Or. Alors, ça se passe en même temps que l'arc Hadès. Oui. Donc ça, c'est déjà pas mal en soi, parce que c'est vraiment un parallèle à ce qui est en train de se dérouler au Royaume des Morts. Donc, tu as les bronzes qui sont en train d'attaquer les spectres dans le Royaume des Morts. Et donc on se souvient tous des Chevaliers d'Or qui sont projetés contre le mur des Lamentations pour le détruire. Oui, et qui crèvent. Et qui sont censés être morts. Mmh. Étonnamment, ils réapparaissent. Ils sont réincarnés, ressuscités. Ils sont ressuscités, ils réapparaissent en Asgard et on ne sait pas trop pourquoi pour le moment. Et donc toute l'intrigue tourne un petit peu autour de ça, on commence à en savoir un petit peu plus, il y a l'arbre Yggdrasil qui est ressuscité par un nouveau grand prêtre d'Asgard. Après, pour plus de détails, j'ai pas envie de spoiler, donc il faut vraiment voir la série parce que ça. Ouais. Enfin, on vous conseille. Pour vous situer un petit peu Yggdrasil, on rappelle que la mythologie nordique, c'est l'arbre qui relie les neuf mondes, hein, si je dis pas de bêtises. Hein. C'est ça. Donc Asgard, Midgard, donc qui est la Terre, et puis tous les trucs en name, que j'arrive jamais à retenir les noms. C'est par chez moi, ça. Niflheim, name, tout le name, là. Voilà. C'est en Alsace, non? Exactement. Et on avait déjà eu ça dans Saint Seiya, dans le film de Asgard, en fait. Ouais. Parce que dans le film de Asgard, il y a l'hiver qui règne en maître depuis 3 3 ans sur Asgard, et c'est avec la repousse de Yggdrasil que le beau temps revient. Et c'est un peu la même chose qui se passe dans Soul of Gold, puisque là aussi on est différent un petit peu du Asgard qu'on connaissait dans la série où il faisait hiver tout le temps, quoi. Et en fait c'est donc un nouveau prêtre en fait qui remplace Hilda, qui est malade, grâce à ses pouvoirs, fait germer à nouveau Yggdrasil. Et donc, du coup, ça remet le beau temps à Asgard. Alors, grâce à ses pouvoirs, pas uniquement. On apprendra il faut du carburant quand même. Il faut du carburant. Moteurs, hein. Et voilà, exactement. Donc, il se sert du pouvoir d'autres personnes. Bah, des chevaliers d'or, en l'occurrence, on peut le dire. Hein, parce que, de toute façon, on se doute bien que, comme c'est les chevaliers d'or qui sont les héros, voilà. Mais alors, comment, pourquoi, ça, je vous le dis pas. Et donc, c'est très intéressant parce que ça reprend effectivement des germes d'Asgard, c'est le cas de dire, dans le film et aussi dans la série, puisqu'on y voit aussi, entre autres, le frère de Siegfried. Sigmund, par exemple, parmi les nouveaux guerriers divins élus qui ont. Il a les crocs, il a envie de bouffer du chevalier d'or, lui. Voilà. Et puis, donc il y a certains chevaliers d'or qui, du coup, se mettent aussi du côté des Asgardiens, mais avec des bonnes raisons, hein, pas comme ça pour le fun. Hein. Mm. Et donc, ça, au moins. Voilà, au moins un pour l'instant. Et puis après, on ne sait pas. J'en vois bien un deuxième, mais bon, ça on verra. On voit un deuxième, apparemment, parce qu'on n'en est que dans le teaser du prochain épisode. Donc, on ne vous dit rien, voilà. Si ce n'est qu'il faut regarder. Soul of Gold, c'est vachement bien. Donc, si d'autant vous avez plus, qu'on rentre un petit peu dans les détails sur des chevaliers qui étaient des chevaliers d'or qui étaient moins intéressants et moins développés. Et on rentre un petit peu plus dans les détails. On prend le cancer qui est vraiment bien développé. On prend le Aphrodite aussi, le poisson ouais, c'était des chevaliers d'or qui faisaient moins envie que d'autres dans la série d'origine. Et là vraiment ça vaut le coup. Là vraiment ça envoie du lourd. Voilà. Alors, on va vous mettre un petit collector aussi, puisque donc c'est issu de fameux Manga Story que vous pouvez trouver chez votre boucher. Hein. c'est la nouvelle compilation donc de Jean-Pierre Savelli. Qui ne se trouve pas partout apparemment, c'est vraiment sur Internet et dans les magasins Cultura. Ah ouais, parce que Cultura, par contre, apparemment, j'ai vu une photo où ils te mettent carrément une tête de gondole. Visiblement, il va faire une tournée dans certains magasins Cultura de France. Où il chantera, Où il chantera. Par contre, tu le trouves pas ailleurs, tu le trouveras pas à la Fnac, tu le trouveras pas sur d'autres. Disons, ça c'est bien, ça, bravo. Ouais. Donc, c'est pas super bien distribué. Apparemment, c'est pas si facile que ça de distribuer un CD. Et donc Jean-Pierre Savelli s'est débrouillé pour. Il doit pour le faire lui-même, promo, en fait. Ouais, avec sa boîte de prod. Ouais, sa Minuit 10 production. Voilà. À mon avis, il s'autoproduit un petit peu sur son CD et il doit avoir plus de mal de distribuer. Donc, il a joué un partenariat avec Cultura. Donc, on découvre plein de choses là-dessus. Donc, bien sûr, c'est grand classique, hein, normal. Les chansons de Goldorak, d'Ixor, était une fois l'espace qu'il avait fait. Et puis, il a aussi des reprises et aussi une petite. La phase B d'Il était une fois l'espace qui est très sympa. Voilà la phase B de pas il était une fois l'espace normal, parce que là c'est compliqué. Donc je vous précise, il y a eu un truc un petit peu particulier. Bon, vous savez qu'il y a des covers, hein, en général quand on fait un cover c'est qu'on reprend, on change la musique, on change l'interprète. Et en fait Savelli a lui-même fait sa propre cover, c'est-à-dire qu'on a changé la musique mais on a pris le même interprète. Et c'est un disque assez rare, voilà. Et donc en phase B on trouve donc le titre Humanoïde. Et ça, c'est un vrai collector que je vous propose de découvrir pour la première fois Génération Manga ce soir. Donc voilà, c'est parti, Humanoïde, la phase B. Donc. Ils viennent des galaxies, des planètes englouties. Ils ont dans le regard des mondes un peu bizarres. Voyageurs du temps, ils nous glacent le cœur et nous font un peu peur. Bizarroïdes, ces humanoïdes, oh humanoïdes, ils ont traversé le vide, rêvant d'amour et de joie. Tu vois, ils sont comme toi. Pour faire la guerre, mais pour nous apporter des messages de paix. Si tu te sens aussi va mieux, car tu deviens comme eux, bizarroïde, humanoïde. Humanoïde. C'est sympathique. Hein. Ouais, je l'aime bien. Hein. Donc, du coup, je la connaissais pas, cette chanson, de fait, et je l'aime bien. C'est pas moi. Mal du tout, ouais. Ouais, ouais, ouais. Elle est alors, bien si sympathique. Une petite anecdote croustillante à propos de Jean-Pierre Savelli. Oui. Ma maman, à l'époque, travaillait avec la sœur de Jean-Pierre Savelli, qui se lançait comme jeune chanteur, et sa sœur disait ah, bah, il chante des chansons pour les gamins. Voilà. Ah, bravo. Alors, la frangine, si je la coince, là, je vais lui dire deux mots. Hein. Mais c'est assez marrant, ouais, parce que, bah, elle savait pas, enfin, elle savait que c'était Savelli, machin, mais elle n'était pas au courant plus que ça. Et des années après, quand elle a vu que j'écoutais du XOR et qu'elle voit Jean-Pierre Savelli, elle fait ah, bah, c'est le frangin de. Voilà. Ah, d'accord. Comme quoi, dans la famille, hein, on soutenait pas beaucoup. Hein. Ah, non. Toujours non. Comme ça. Hein, c'est... Voilà. Ah, ouais. Ah ben, Anoïde. Avions-nous fini sur Saint Seiya ? Bah écoute, il me semble que oui. Alors, si, il faut dire que le générique de début, ils ont repris Soldier Dream. Ah oui, tout à fait. Qui est très sympathique. Absolument. Et le générique de fin, c'est une publicité mid-close, mais qui est magnifique, où tu vois toutes les armures d'or sur Totem, donc en version divine. Solo Gold, voilà. Et ouais. C'est. À tomber. Et alors là, c'est super galère pour les avoir parce que Bandai n'assure vraiment pas un copec. Ils en donnent pas assez pour tous les magasins. Et donc, du coup, alors sachez que c'est pas encore sorti. Hein. Je crois que la première, elle sort en septembre. Donc, il y avait déjà les précos. Les précos à 100€ pour commencer, il me semble. Hein, 95€. Et maintenant. C'est déjà 150-200. Voilà, si tu veux toucher le lion, bah, c'est juste que tu peux pas, quoi. Ouais. Ça devient infernal. Donc, c'est complètement débile parce donc, que. Lion, bélier en préco aussi, et vierge, il me semble, depuis quelques jours. Oui, là, il y a la vierge. Et on vient de voir les premières images du cancer. Ah oui, exact. En figurine. Exact. Voilà. Qui a l'air sympathique en plus. Voilà. Pour le cancer, qui n'était pas forcément l'armure la plus. Oui, bah, moi, elle m'a moins plu bizarrement le cancer. Ah ouais. Non, je trouvais ça pas mal. Par contre, ce qu'on voit aussi donc, sur ces fameuses photos, c'est qu'ils ont fait les nouveaux personnages non armurés, si je puis dire. C'est-à-dire la fille qu'on voit dedans, là, que j'ai bouffé son nom, et le fameux prêtre qui a pris donc, la tête d'Asgard. Tu les as vus, hein? C'est oui. Des petites figurines. Oui, machin, je les ai vues. Voilà. Oui. Donc, ça ne doit pas trop cher, vu que ça, ce n'est pas armuré. Donc, voilà. Ensuite, donc, nous passons, oui. Sans transition, donc, au film de Goldorak, Mazinger Z et tout ça. Donc, j'ai enfin pu voir. Donc, entendre, jeter surtout. Oui, je vois, parce que vu je les ai vus depuis longtemps, j'ai jeté une oreille. Donc. Effectivement, force est de constater que la nouvelle voix d'Actarus me semble bien choisie. Franchement, j'étais épaté. Alors, le doublage en lui-même. Est moyen. Je pense qu'au niveau de l'adaptation, ils ont voulu bien faire, mais ils ne sont pas allés assez loin. Ouais, la traduction, la francisation. La francisation des noms, même le choix des noms, ils se sont un peu plantés. Quoi. Un Fulgur au doigt, ouais. Je ne sais pas. C'est... Quoique, dans le contexte, quand ils le hurlent, ça me choque moins que quand on le dit comme ça. Ouais, mais Fulgur au doigt quand même. Fulgur au doigt ! Ouais, enfin bon, ouais. certes. Ouais, voilà, donc le Fulgur au doigt n'est pas passé, mais... autrement, au niveau du choix des voix, la voix d'Actarus est vraiment très bien choisie. Et là, au niveau des intonations, on se rapproche de Daniel Gals de manière assez surprenante, parce qu'il fallait quand même trouver quelqu'un qui ait une voix assez proche. Ouais. Et ça passe bien. Ça passe assez bien. Ça passe bien. Après, Alcor... Alcor, ça coince un peu plus. Mais je crois que c'est celui qui faisait Onizuka. C'est ça, hein, oui, Onizuka. Mais ouais. Sur Alcor, ça me choque. Sur Alcor, on s'attend tellement à voir du Guillermo. C'est pareil, c'est comme Daniel Gall. Là, ils ont bien retrouvé quelqu'un, mais c'est difficile. Donc Alcor, ouais, ça coince. Alcor, ouais, ça coince un petit peu, là. Oui. Ça pêche un petit peu. Mais bon. Après, au niveau du choix des noms, ils ont, y a le pilote de Greg Mazinger qui s'appelle Antares. Ouais. Sachant qu'il y a déjà un Antares dans le centre du professeur Procyon. Voilà, bon, donc je veux bien qu'il y ait des prénoms identiques, etc. Mais c'est un petit peu couillon. Ils auraient pu trouver quelque chose. Ouais, une autre étoile. Altaïr, par exemple. Altaïr, par exemple. Ça n'avait pas été pris, ça. Moi, je dis ça au hasard. Ouais. Au hasard. Oui, oui. Donc Wasser. Voilà, c'est dommage. C'est dommage. Ensuite, dans le pilote de Goldorak, qui s'appelle Gatiger, les méchants s'appellent les barbares. Barbares. Alors, je ne sais pas d'où ils sortent ça. Je ne sais pas qui a choisi de mettre les barbares. Bon, c'est pareil, ça m'a un petit peu piqué. Maintenant, c'est vraiment pour pinailler, parce que le doublage, dans l'ensemble, j'ai eu un petit peu de mal au départ, parce que tu es tellement déçu de ne pas avoir les comédiens que tu as pu avoir à l'époque. L'adaptation, effectivement, passer derrière Michel Gatineau, c'est compliqué parce qu'on a quand même. C'était du haut niveau. Quoi. Ah oui. Mais ils s'en sortent pas trop mal. Franchement, c'est correct. Jusqu'à présent, jamais, au grand jamais, Actarus n'avait été doublé par une autre voix. Pas, sauf sur les fausses raccords dans le film. Parce que là, c'était un peu machin. Mais sinon, grosso modo. Et dans la série, il y a aussi un ou deux faux raccords, il me semble. Oui, tu as raison. Il y en a au moins un où il y a intervertissement entre Alcor et Actarus. C'est une soucoupe sauvage qui a fait ça. Ah, mais attention, nous on est des cadors de Goldorak, j'aime autant te dire qu'on connaît. Épisode 8, non? À la 13e minute. C'est possible. Peut-être pas à la 13e minute, mais dans ce goût-là. Oui, ça doit être un peu un truc comme ça. Ouais. Il me semble. Alors, je dois pas être loin. Voilà. J'en profite pour faire un petit coucou à Spooky San, qui est une nouvelle auditrice qui nous écoute là. Donc on lui fait un petit coucou. Coucou Spooky. Coucou Spooky. Coucou Spooky. Et comme elle nous fait l'honneur de nous écouter, on va lui chanter une petite chanson. Est-ce que tu connais toi bien la chanson de la Reine des Neiges? Oh non. Mis à part le refrain principal que je chante tous les matins sur mes toilettes. Écoute, tu vas m'accompagner sur le refrain alors. Allez, on va se faire ça. C'est pour Spooky, c'est parti. L'hiver s'installe doucement dans la nuit, la neige est reine à son tour. Un royaume de solitude m'a placé là pour toujours. Le vent qui hurle en moi ne pense plus à demain. Il est bien trop fort, j'ai lutté en vain. Cache tes pouvoirs, n'en parle pas. Fais attention, le secret survivra. Pas d'état d'âme, pas de tourment. De sentiments libérés, délivrés. Je ne mentirai plus jamais. Libérés, délivrés. C'est décidé, je m'en vais. J'ai laissé mon enfant s'en était perdu dans l'hiver. Le froid est pour moi le prix de la liberté. Quand on prend de la hauteur, tout semble insignifiant. Tristesse, l'angoisse et la peur m'ont quitté depuis longtemps. Je veux voir ce que je peux faire de cette magie pleine de mystère. Le bien, le mal, je dis tant pis, tant pis. Libéré, délivré, les étoiles me tendent les bras. Dans l'hiver. Mon pouvoir vient du ciel et envahit l'espace. Mon âme s'exprime en dessinant et sculptant dans la glace. Et mes pensées sont des fleurs de cristal gelées. Je ne reviendrai pas, le passé est passé. Libéré, délivré, désormais plus rien ne m'arrête. Libéré, délivré, plus de princesse parfaite. Je suis là, comme je l'ai rêvé. Pour moi, le prix de la liberté. Voilà. Impeccable. L'ai-je bien descendu. Donc voilà, libéré, délivré, ça aussi, vous allez le bouffer pour la fête de la musique le 21 juin. Donc je serai bien entendu autour de Radio Campus. Donc soit je suis devant Radio Campus, soit je suis devant les shops du 7e art, mais de quoi qu'il en soit, vous ne m'échapperez pas. Tu élargis ton tour de chant quand même là. Ah, j'élargis mon tour de chant. Bah écoute, forcément, on me demande toujours du Disney, donc j'essaie d'en faire un petit peu. Eh oui. Voilà. Mais je fais essentiellement, par contre, du générique, l'ancienne, du Capitaine Flamme, du Goldorak, du Code Lyoko, du Pokémon, tout ça. Mm-hmm. Voilà. De quoi parlons-nous à présent ? Donc on a parlé de Goldorak. Mm-hmm. Important. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre ? Bah je ne sais pas de quoi on pourrait parler d'autre. Oui, alors que vous savez qu'il y a Bushi Terasawa qui va venir à Monaco. À Monaco, s'il vous plaît. Et donc peut-être je voudrais avoir ton sentiment par rapport aux conventions, voilà, de jadis, de naguère, d'aujourd'hui, de celles qui viennent. Je crois que tu es un peu comme moi, hein, on est un petit peu déçu par les récentes. Un petit peu blasé, un petit peu déçu. Moi j'ai été déçu déjà il y a quelques années par Japan Expo qui allait de mal en pis. Voilà, qui a bien baissé. À partir du moment où ils se sont déplacés de la Défense vers Port de Versailles. Non, c'est pas Port de Versailles, c'est Villepinte. Je trouvais que ça devenait une catastrophe. Ouais, c'est vrai. Tant au niveau des invités que la fréquence. Enfin, tout était moins bien géré qu'auparavant. Ensuite, on a eu un petit regain d'espoir avec une convention cartooniste à Nice. Ah, qui était l'apothéose. Alors, j'ai dû faire 10 ans de convention. C'était la meilleure, voilà, the best. Et là, en 10 ans de convention, à chaque fois, il y avait des petits problèmes, des invités que tu n'arrivais pas à voir, On a tout eu. On a trop eu. On ne pouvait même pas s'occuper de tous. Des dédicaces de tous les côtés des invités à foison. Les invités qu'on voulait, qu'on souhaitait. Alors que, enfin, voilà, c'était vraiment la convention. Et donc, ils ont refait une convention visiblement il y a quelques temps à Montpellier, qui était une catastrophe. C'est une catastrophe, voilà, je l'ai dit ici même sur cette antenne. C'est autant le Cartooniste de Nice, ça a été la meilleure convention de tous les temps. Cartooniste de Nice, c'était de la folie. T'avais un concert à la fin qui était hallucinant, quoi. T'avais les deux interprètes des génériques de Saint Seiya, t'avais l'interprète du générique d'Ixor. Enfin, c'était de la folie, quoi. T'avais les Seiyu de Seiya, le Seiyu, Seiyu. Donc pour ceux qui Eric savent pas, le Grand, enfin, c'était de la folie furieuse. Pour ceux qui savent pas, rappelons qu'un Seiyu, c'est la voix. Oui, la voix, le comédien de doublage. Comédien de doublage japonais. Japonais. Voilà. Et donc ce qui était marrant, c'est que t'avais à la fois le Seiyu japonais et t'avais le comédien de doublage français qui est Eric Le Grand, qui était côte à côte hein, et qui se mettaient à délirer ensemble, à s'échanger les attaques. Donc Eric Le Grand qui l'a prononcé à la japonaise, le japonais qui l'a prononcé à la française. Enfin c'était un grand moment. C'était un grand moment et comme on n'en reverra malheureusement plus. J'en ai chialé à la fin tellement j'étais ému. C'est pour ça que je déserte un petit peu les conventions depuis parce que j'ai bien peur de ne pas retrouver le dixième de ce que j'ai pu avoir sur cette convention-là parce que c'était vraiment de la folie furieuse. Donc tant au niveau des invités, donc dédicace, tout ce que tu veux. Il y avait vraiment des conférences, tu avais Chalopin d'Ariès qui parlait des cités d'or, tu avais... j'ai oublié la moitié des invités tellement qu'il pouvait y en avoir. C'était il y avait Teshirogi aussi, la mangaka de Lost Canvas, et qu'on n'avait même pas eu le temps de s'occuper tellement il y avait trop de monde partout. Sami Suda, caractère designer de Kenji Oba, qui faisait Ixor. C'était, t'avais acteur, dessinateur, cara designer, enfin tout ce que tu voulais. De la folie furieuse. Quoi, le fils de Shingo Araki qui était là également pour le livre hommage à son père. Enfin, c'était vraiment grandiose. Voilà. Donc, grandiose. Shingo Araki, grand caractère designer de Saint Seiya. Caractère designer. Voilà, la deuxième partie de Goldorak aussi. Création de Phinicia, tout ça. Lady Oscar. Et plein d'autres. Quoi. Toutes les meilleures séries que vous avez vues, il y a de grandes chances qu'il y ait du Araki quelque part. Et il nous manque bien dans Soul of Gold. Et d'ailleurs, c'est dommage parce que dans Soul of Gold, il pourrait prendre son binôme. Michi Himeno, qui a fait apparemment un nouveau pachinko aussi sur Asgard et qui doit être une tuerie phénoménale là encore. Et Alors pour le puriste, Araki avait des traits un peu plus droits qu'Himeno qui était plus doux, plus féminin. Voilà, Himeno c'est plus la période Asgard quand ils sont plus fins. Hein. Plus donc fin, à la limite c'est même encore mieux à ce moment-là. Ouais. Pour le dire, voilà. Vraiment, alors c'est pour le puriste hein, parce qu'Araki c'est déjà. Ah oui, non, c'est déjà bien. Mais bien sûr. Donc voilà. Et donc tu ambitionnes. Nous ambitionnons tous de faire des conventions pour les. Eh ben, j'y réfléchis de plus en plus. On va créer ma convention. Pour plus à l'ancienne, quoi. Ouais. Donc, moi, je viens de Mulhouse. Et effectivement, sur Mulhouse, tu as une convention qui tourne depuis une trentaine d'années qui s'appelle BD Ciné, qui est spécialisée dans la BD franco-belge. Mm-hmm. Et je me demande pourquoi ne pas faire. Une fusion voilà. Non, pas forcément une fusion, mais le fait qu'il y ait déjà cette convention sur Mulhouse, justifier un manga ciné ou une convention un petit peu dans le même esprit, mais une convention vintage, donc justement avec des invités qui nous parlent à nous, génération 30-40, enfin des 30-40 aujourd'hui. Ouais, c'est ça. Donc avec des dessinateurs des animés phares des années 80-90, avec des chanteurs, avec des comédiens. Comme à l'époque, quand ils avaient fait à Japan Expo, comment ça s'appelait déjà avec Logarithme, là Manga Fever. Fever, voilà, je ne trouvais plus le nom. Un beau spectacle, un beau son et lumière. Voilà, ça c'était bien aussi. Avec des cascadeurs, avec des danseurs qui étaient costumés, qui étaient cosplayés en tenue des génériques qui étaient représentés, c'était vraiment sympathique. Et ils avaient fait appel à tous les chanteurs, à quelques chanteurs de génériques d'époque. Et sur fond animé, c'était vraiment très sympathique. Alors, tu sais que je me suis laissé entendre dire qu'il y avait effectivement eu une tournée et qu'ils avaient effectivement fait ça dans d'autres villes. Ah bon ? Eh oui, parce que récemment, il y a un gars qui m'a dit « Ouais, moi, j'ai été allé le voir à je sais plus où. » Non, non. Alors, ça m'a scié parce que j'étais persuadé qu'ils avaient fait que Japan Expo et puis que, certes, la tournée était prévue, mais elle ne s'était point faite. Et il m'assure qu'il a vu le show dans une autre ville. Hein. Donc, apparemment, il y aurait eu 2-3 dates comme ça. Mais écoute, j'avais suivi ça de près et j'avais même... Non, ça me paraît plus que bizarre. Aussi, mais... Parce que j'avais même téléphoné à Logarithme à l'époque pour savoir ou envoyé un mail, je sais plus. Enfin, j'avais essayé de chercher l'info pour savoir s'il y avait quelque chose d'autre, je me disais non. Rien du tout. C'est pareil, j'aurais bien voulu qu'un DVD sorte de ce spectacle parce que c'était vraiment sympathique. Il n'y avait rien. Hormis les quelques petites captures qu'on peut trouver sur Internet, il n'y avait pas grand-chose d'autre. Dans votre serviteur, j'ai pris quelques bouts que vous pouvez trouver sur YouTube. Par rapport à la personne qui l'a vu en concert, il est possible. Il me semble qu'Enrique utilisait les costumes qui ont été. Oui, lui, il est allé faire des trucs, oui. Donc lui a fait quelques concerts, effectivement, c'est peut-être ça. Et Savelli utilise également, il me semble, les costumes qui viennent de ce spectacle-là. Oui, c'est possible. Le costume d'Ixor. Ouais. Actarus et Goldorak, il me semble que ça vient de cette tournée Manga Fever qui était prévue et qui n'a, pour moi, jamais vu le jour. Ouais, mais pour moi aussi. Hein. Donc, si vous pouvez nous confirmer, je ne sais pas. Si quelqu'un là, peut nous le dire. Ouais, je suis en quête de confirmation d'infos et j'y crois pas. J'y crois pas parce moi que je m'étais plus, vraiment bien mal, renseigné hein. à l'époque. Mm. Je m'étais bien renseigné à l'époque et j'ai des doutes. Nous, on n'est pas des. Hein, quand on se renseigne, voilà quoi, je veux dire. J'avais écrit à la source, donc à Logarithme, pour savoir. Il me semble même que j'avais téléphoné. Je pourrais demander aussi à Olivier Fallet, qui doit être trop fait. Olivier Fallet doit être trop fait. Voilà. Oui. Donc, Cartooniste qui était une super convention, et j'aimerais bien refaire une convention un petit peu dans cet esprit. Esprit vintage. Voilà. Esprit vintage, voilà. Et animer un petit peu. Le problème des conventions, c'est que c'est devenu des grosses boutiques à face ouverte. Donc, t'as que des magasins et il n'y a pas forcément d'animation et de choses sympathiques autour. J'aimerais bien faire un petit pôle karaoké, une chasse au trésor. Enfin, créer une animation qui donne l'envie justement de venir en convention et pas uniquement faire la tournée des boutiques, mais faire de l'activité qui peut un petit peu. D'une part cultiver les personnes qui ne connaissent pas tous ces animés de cette époque-là, et en même temps rappeler de bons souvenirs aux 30-40 ans. Tout à fait. Et je pense qu'il y a vraiment de quoi faire. Oui, une chasse au trésor, tu cibles un peu Cité d'Or, un truc comme ça. C'est ce qu'ils avaient fait à Cartooniste Nice. Alors, je trouve que c'était un petit peu l'ébauche parce qu'il fallait trouver le signe du soleil un petit peu partout dans Cartoon, enfin dans le salon, dans la convention. Moi, je verrais plutôt un truc, effectivement, quand tu trouves un indice, t'as une petite documentation, voire un petit extrait de l'animé qui défile, enfin quelque chose qui suscite la curiosité, un petit peu comme ce qu'ils font la nuit des musées par rapport aux différents objets exposés dans les musées. Ils te font une chasse au trésor, mais faire un petit peu cette chasse au trésor, mais animée autour d'une convention, je pense que ça pourrait être vraiment sympa. Dans une île au trésor où, sous un réverbère, il soulève un nuage de poussière. Tu vois ce que c'est ? Biffy Hercule. Oui, c'est bien délicat quand on est chien de supporter les chats. Ah mais ouais, moi c'est le jeu là, tu me donnes un mot, je te donne un générique. Moi, allez, ah ouais, comme et je te trouve la réponse. Et je te trouve la réponse, voilà, ouais, c'est beau ça. C'est pas mal. Hein. Alors si on chantait un petit truc que là, tout le monde connaît, là tu vas pouvoir m'accompagner je pense. Alors on va utiliser donc la version de Savelli, histoire de chanter avec lui, donc on va se faire un trio avec lui. Et puis bien sûr, plus avec nos chers auditeurs et trices qui nous écoutent, j'en suis certain. Et donc c'est Capitaine Flamme, version de Savelli. Donc, allez, à des années-lumière de la Terre. Hey, celui que le gouvernement interfédéral appelle quand il n'est plus capable de trouver une solution à ses problèmes, quand il ne reste plus aucun espoir, le Capitaine Flamme. Capitaine Flamme, tu n'es pas de notre galaxie, mais du fond de la nuit. Capitaine Flamme, d'aussi loin que l'infini, tu descends jusqu'ici. Capitaine Flamme, ça marche toujours ça hein. Toujours. Tout le monde, toujours. C'est quoi ça? On peut envoyer sur commun hein, si ouais, tu veux. Oui. toujours. Tiens, on va se faire un petit jeu, tiens, vas-y. Trouve-moi un mot là, il faut que je te trouve un générique. Allez, je te trouve un mot. Un mot, voilà. Tes prairies bleues du ciel. L'infini des prairies bleues du ciel, découvert comme un grand livre ouvert, était une fois l'espace. Bien. Eh oui, attention, à moi. Qu'est-ce qu'on va chanter? Le monde entier. Ah ah, c'est chaud ça. Capitaine Flamme. Non. Oui, vas-y, fais-moi. Pour le monde entier, pour sauver de ton bras tous ceux de méga. Non, c'est pas ça. Non, pas. Non, juste. Non. Non, non. Le monde entier. est un cactus. Tu te bats contre le monde entier. Ah oui. C'est ta passion, ah, c'est no Joe. Ta vie. Ah bah oui, c'est un oui. petit peu dur. Mais c'est ça. Un petit peu plus pointu là. Ah ouais, bah, oui, bah écoute, on fait, on n'est pas là pour sucrer les fraises. Bah allez, oui. On, je vais vous allez. La faire. Allez, Ashita no Joe. Tu te bats contre le monde entier. C'est ta passion, c'est ta vie. Au combat pour toujours triompher. Toi, tu cognes sans. Répit, vas-y Joe, toute la foule hurle ton nom Joe, t'es le plus grand des champions Joe, car la boxe c'est ta passion Joe, toi le boxeur au grand cœur. Donc voilà, tu vois, hein, tu vois. Mmh. C'était Césari qui chantait la chanson, tout à fait, Jean-Paul Césari, donc le chanteur de Nicky Larson, mon exactement. Garçon. Exactement. Vas-y, continue, allez, un autre, vas-y. Alors, de campagne en colline. Ah, de campagne en colline, c'est Bumbo. Yeah. Bumbo, Bumbo, petite automobile, ville, tu roulais te dandine, nine. T'as joué les voilà. héros. Bravo. Bumbo. Ah oui, alors attends, à moi, piscine. BCBG. Oui. BCBG. Chanté par Valérie Barouille. La fille de Michel. La fille de Michel. Relax teenager de Beverly Hills. Quand tes délires soient cool, t'as mis le select derrière la colline où le soleil fait comme une boule. Soleil et palier, rendez-vous au club BCBG. C'est la vie dorée BCBG. Pour le chic, il faut ça. Pas mal. Allez, à toi. Allez, je fais un peu tout. Ah oui, je fais un peu tout. C'est passe-partout dans le tour du monde en 80 exact. Jours. Je suis passe-partout. Je fais un peu tout. Je suis Tico. Partout je les suis. Je suis Phileas Fogg et en 80 jours je dois faire le tour du monde. Aventurier, gentleman, joueur, un tel pari ne me fait pas du tout peur. Je suis passe-partout, je fais un peu tout. Moi je suis Tico, partout je les suis. Je suis Romy, princesse hindoue. Et Fogg est l'homme de ma vie. Je suis Phileas Fogg et en 80 jours un tel pari ne me fait pas. Pas plus pour réussir le tour complet de la planète. Personne ne l'a jamais fait, mais on fera tout pour être les premiers. 80 jours à courir, pas plus pour réussir le tour complet de la planète. Planète, quel pari de fou. Mais mais on y arrivera. Voilà. Bravo. Ah, tu la gères bien celle-là, tournant 80 jours. Hein. C'est vrai. Ah ouais, ouais, ouais. Alors, sauver notre existence. Sauver notre existence. Eh oui, sauver notre existence. Ça me parle. Ça me parle, sauver notre existence. Je pense que les gens qui nous écoutent ont peut-être trouvé alors. Hein. C'est vrai. Sauver notre existence, qu'est-ce que ça peut être ? Sauver notre existence. Goldorak ? Non, c'est pas Goldorak. Non, non. Tu sais que j'y suis toujours pas, hein. Hey. J'y suis toujours pas. Sauver notre existence, ça ne va pas ? Eh non, ça ne va pas. Alors là, je coince. Tu coinces. Ouais, tout le monde chante, je suis sûr que t'es le dernier à pas avoir trouvé. Il y a des chances. Il existe un monde virtuel et différent où chaque seconde fait de nous des combattants. Notre seul espoir est de tout reprogrammer. On ira, on saura sauver notre existence, se donner une chance de tout effacer. On ira, on saura. Saura sauver notre existence, donner. Alors. Ouais. Et là, je maîtrise pas, j'avoue. Ah, bah oui, oui, c'est un peu plus récent, un peu plus. Ah, bah oui, oui. Et là, c'est pas. Allez, c'est ton tour. C'est ton tour. C'est mon tour, c'est vrai. Et oui. Et oui, oui. Alors, c'est mon tour. Tu parcours la Terre. Tu parcours la Terre, le ciel, cherche ton chemin. C'est ta vie, c'est ton destin. Facile. Facile. Oui, oui. Attends, je vais accélérer. C'est où? Oh. Allez, hop. C'est long hein, quand même le début. Hein. Ah, le début, il est une minute, je crois. Non, c'est non, peut-être pas. Oh, si, si, à mon avis, on n'est pas loin. Oh, je sais quoi. 45 secondes. Allez, tu vois. Allez. Enfant du soleil, tu parcours la terre, le ciel, cherche ton chemin. C'est ta vie, c'est ton destin. Et le jour, la nuit, avec tes deux meilleurs amis, à bord du grand condor, tu recherches les cités d'or. C'est à moi? Oui. Alors, voyons, voyons, qu'est-ce qu'on va se faire? Alors, j'en reviens juste sur une petite info qu'on a, dont on a parlé en début d'émission, à propos de Buichi Terazawa à Monaco. Oui, donc l'auteur de Cobra. L'auteur de Cobra. Je sais que ça peut poser des problèmes quand même, parce que c'est une personne qui a des gros besoins en assistance médicale. Ah oui? Et apparemment, il y a toute une batterie d'infirmières, médecins, etc., qui sont obligés de suivre, et que c'est pour ça qu'ils n'ont pas réussi à l'avoir jusqu'à présent. À l'avoir jusqu'à présent, ouais. D'accord. Ouais. Ah, ça, c'est pas cool, ça. Ouais, ça, c'est pas cool. C'est quelqu'un qui est très malade, malheureusement, et voilà. Mmh. Dépotoir. Dépotoir. Ok, c'est pas les entrechats? Ben oui. Forcément. Non, mais j'étais sur Chiterazawa. Isidore, le citadin, dans la ville qui dit toi, il frappait le roi malin. Sur trottoir et dépotoir. Ce sont maître dont Isidore, qui frappe à l'abri dans son fort. Où qu'il soit, ils font la loi. Les chassons roi, les chassons là, chats de bonne manière et des chats de gouttière. Bramatou et Charbaillou, les entrechats sont là. Isidore chez ses bons maîtres, bon, par Noam. Il frappe ses mauvaises têtes. Et voilà, voilà, voilà, voilà, voilà. Eh oui. Donc voilà, enfin, vous avez compris donc le jeu, tu vois, on peut faire un truc comme ça, c'est marrant. Hein. C'est rigolo, bien sûr. Tu vois, ouais. D'autres informations, d'autres trucs croustillants. Alors, d'autres infos, trucs croustillants, bah non, pas grand chose. Oui. Je pense qu'on a pas mal parlé de Soul of Gold, on a dit ce qu'il fallait en dire, hein. Donc bah, précipitez-vous dessus. Voilà, parce que vous le trouverez. Hein. Oui, c'est facile à trouver. C'est trouvable. Sinon, il n'y a pas grand-chose en série que je suis un petit peu. Alors, j'ai essayé de reprendre un peu One Piece, mais ça me saoule. Je n'y arrive plus. Non, je trouve que c'est une série qui est intéressante, mais effectivement, il faudrait la couper. Il y a des parties en trop. Il faut enlever tout ce qui est hors manga, quoi. Tout ce qui est hors manga. Et là, on voit qu'ils ont rattrapé le manga parce qu'ils tournent en rond et puis ça met des plombes infini, à se déclencher. Voilà. Ouais. Donc, alors, comme quoi, je suis quand même certaines séries récentes. Tu vois, j'ai regardé un peu, j'ai essayé un peu One Piece, mais bon, certains arcs sont sympas, mais d'autres sont vraiment trop longs et trop. Est-ce que tu as regardé l'attaque des Titans, Shingeki no Kyojin, parce que ça, c'est le truc qui carbure non, en ce moment. Tout le monde m'en parle, mais j'ai pas regardé. Ouais. Parce que moi, j'ai jeté un œil. Au début, j'étais assez pas convaincu, quoi. Et puis finalement, je me suis bien laissé emporter par la foule qui me draine et nous entraîne. Donc, enfin bref. Et donc voilà, j'ai. Alors, série récente que j'ai regardée, que j'ai beaucoup aimée, c'est pas série animée, mais c'est Daredevil. J'ai trouvé ça énormissime. Absolument génial de Netflix. Ah la vache, je me suis pris une grosse claque, j'ai bouffé les 13 épisodes en peu de temps. Voilà, j'ai trouvé ça très bien. Et là, du coup, j'ai voulu embrayer sur Arrow. J'ai regardé deux épisodes et je suis moins convaincu. Je trouve que ça fait un petit peu plus teenager et orienté nana même. Ah ben Arrow, c'est plus grand public, mais je te laisserai pas orienter nana parce que moi j'adore Arrow. Hein. Ok. Et ça devient de mieux en mieux au fur et à mesure des épisodes et des saisons aussi. C'est possible. La saison 2 est vachement super géniale, donc voilà. Donc il faut. À mon avis, ton erreur c'était de commencer par Daredevil parce que du coup tu mets la barre haut. Ah ouais, c'est ça. J'ai mis vraiment la barre très haut parce que Daredevil c'est du haut niveau. C'est vraiment très bon. Parce que voilà, Daredevil c'est quand même fait pour une chaîne câblée exprès Netflix, c'est payant. En théorie. Et donc voilà, ça cible un autre public, tu vois, un public exigeant. Donc d'où le fait. Alors pour info, j'avais déjà aimé le film Daredevil d'époque. Moi aussi. Voilà, qui était beaucoup critiqué, mais qui est vraiment très bon. Moi, je trouvais que c'est Ben Affleck qui jouait Daredevil. Il était très bon en Daredevil et je pense qu'il sera meilleur en Daredevil qu'en Batman d'ailleurs, pour la petite. J'ai pas d'avis en Batman, mais c'est vrai. Mais on va voir. Hein. Voilà. Mais en Daredevil, il collait très bien et il était vraiment. Enfin, le film, je l'avais trouvé tout à fait ok, alors qu'il était critiqué. Oui, mais je suis assez d'accord avec toi. Et plus particulièrement en version Director's Cut, il est encore mieux le film. Il y a des scènes en plus des personnages. Ah ben ça, c'est bon plus. À savoir. Ouais, j'essaierai. Tu l'as pas vu le Director's Cut ? Je sais pas quelle version j'ai vue. Je pourrais plus te dire. Est-ce que t'as vu la version où t'as à un moment il défend un black aux assises ? Oui. Et ben c'est la Director's Cut. Ok. Donc j'ai vu la bonne version. C'est pour ça. C'est que la Director's Cut. Voilà. Et donc, que ce soit le film ou la série, c'est vraiment très bon. Ils vont faire un spin-off Elektra, apparemment, qui devrait être pas mal non plus. Ah oui, tant qu'ils sont... Alors, le film Elektra, par contre, était moins bon. Oui, ça, c'est clair. C'était pas terrible. C'est pas le top. Voilà, alors, on va faire un petit bout de Popples, parce que c'est une dédicace. C'est Nathalie qui me demande de lui faire les Popples. On va lui faire un petit bout de Popples. Allez, une version courte, par contre, faut pas déconner. Parce que... Il y a une version longue ? Bien sûr. Les Popples. Les Popples. Parce que je te cache pas que c'est pas un générique qu'on apprécie. Hein. Je préfère la deuxième chanson des Popples. Les Popples sont arrivés cachés sous un oreiller. C'est le disque que je t'ai trouvé. Oh, tu vois, je la connais pas. Donc, tu la connais pas, tu vas pouvoir la découvrir. Je la passe de temps en temps et elle est vachement mieux. Les Popples sont arrivés cachés sous un oreiller. Les Popples sont quelquefois dans une chaussure, pourquoi pas. Méfiez-vous, ils sont partout. Tous les Popples avec nous. Bon, je m'arrête parce que sinon je vais vous la faire complète. Non, mais je la connaissais pas la deuxième. Tu vas la découvrir. Alors je ne suis pas intéressé au sujet plus que ça. Oui, j'imagine bien. Mais elle est vachement mieux parce que celle de Noam, je l'aime pas. Hein. Ouais. Donc disons-le franchement. Hein. Mais donc, les Popples, les peluches étaient mignonnes, c'était sympa. Oui, donc ça se met en boule. Hein, ça se met en boule. T'as deux positions, la position sac dans laquelle ils faisaient des petits bons et puis la position. Voilà. Et les Popples existent encore de nos jours. Ils en ont fait plein au fil des âges, dirons-nous. Et il y a encore des Popples. Ah ouais. Ah oui, il y a des Popples de partout. Il y a des Popples de partout. Alors tout de suite là maintenant, tout de suite là. Il n'y en a peut-être pas, mais il y en a eu au moins là, il y a 2-3 ans peut-être en arrière. D'accord. Il y en avait encore. Je pense qu'il y en a encore. Je pense qu'à mon avis, ils vont te sortir une série animée vu qu'ils ont tendance à faire des remakes un petit peu. Alors c'est ça qui est bizarre d'ailleurs, puis tu mets le doigt dessus. C'est que Il y a beau y avoir eu. Enfin, tu m'as compris. Il y a beau y avoir eu. Je vais y arriver dans le bon sens. Il y a beau y avoir eu plein de nouveaux popples en peluche. Il n'y a pas eu de nouvelle série. Il n'y a eu aucun nouveau dessin animé. Alors que quand on voit tous les repompés qu'ils font actuellement, que ce soit du Maya l'abeille, du Vic le Viking, du D'ailleurs, Inspector Gadget. D'ailleurs, donne-moi ton avis là-dessus. Est-ce que tu as jeté un œil sur le nouveau ID là, qui est en synthèse, le nouveau Vicky qui est en synthèse? Ouais, j'ai dû voir tous 3 secondes cumulées de tous. Voilà, voilà. Ouais. Donc le seul que j'ai vu un petit peu plus, c'est Inspector Gadget. Ouais. Donc, c'est mieux que, que Gadget et les Gadgetini. C'est pas dur. On se rapproche un petit peu de la série d'époque, bien que c'est moins bien. Ils ont rajouté un neveu au Dr Gang pour concurrencer Sophie, ce qui n'est pas trop mal en soi. Voilà. Donc, ils ont rajouté quelques petites choses qui font que la série est OK. Un cran au-dessus des Gadgetini. Alors, je n'ai qu'une parole. J'ai dit aux auditeurs la semaine dernière que j'allais leur parler de Gadget 3D, le DVD que j'avais trouvé. Ah, tu l'as vu, ça y est, avec la Gadget mobile, c'est insupportable. En fait, je n'ai pas pu le regarder. Dès que j'ai regardé le début, ça m'a tout de suite gonflé. Alors, j'ai regardé vite fait comme ça, mais c'est insupportable, donc je vous le déconseille fortement. Voilà. Ouais, moi, je l'ai vu une fois et puis t'as pas envie d'y retourner. Quoi. Non. Donc, si vous voyez ça à Nose, parce que ça y est en ce moment pour 2 euros, laissez-le. Passez votre route. Ça passe ton chemin. Donc voilà, c'est pas la peine. Hein. C'est pas terrible. J'en ai pas un souvenir énorme. Hein. Je l'avais eu à l'époque, je l'avais vu quand il passait. J'avais Canal Satellite et il passait ça sur Canal Sat. Hein. Voilà. Non mais franchement, c'est hautement dispensable. Ouais. Donc je ne peux que vous inciter. De toute façon, Gadget, hormis la série d'époque, qui a pris un petit coup de vieux, mais qui est quand même encore regardable, je trouve que le reste autour, que ce soit les films ou les autres séries autour, n'était pas forcément génial. Non, du tout. Les films, j'ai dû voir que le premier, et puis la série Gadgetini ou Gadget Boy, non, c'était pas ça. Oui, il y a eu ça aussi, c'est vrai, je m'en rappelais plus, tu fais bien de me le dire. Ouais. Ah non, il y a eu multitude de dérivés, puis il y a les deux films live. Oui, c'est ce que les films live, j'ai vu que le premier, mais c'est pas terrible. Oui, alors le deuxième, c'est un director's de vidéo, apparemment, ou alors vraiment un nanar, enfin bon, ça n'a pas l'air d'être de très grand niveau. Hein. Non, c'est pas du très grand niveau. Et c'est dommage, parce qu'il y a quelque chose à faire, je pense, avec Gadget. C'était quand même quelque chose qui était drôlement amusant, qui était bien vissé à l'époque. En plus, il tenait en haleine avec la diffusion de 5 minutes tous les soirs où t'avais le générique qui durait aussi longtemps que l'épisode. Voilà. Et non, moi j'aimais bien. J'aimais bien. Et puis de temps en temps, quand je me prends en retomber sur un épisode sur une chaîne câblée, je trouve ça pas mal. Enfin, ça passe encore bien. Moi je peux plus. Moi je sais pas, ça fait encore son petit effet. J'arriverai pas à mater l'intégrale à la suite. Mais est-ce qu'il y en a 86 Un épisode de temps en temps, j'aime bien. Ça devient insupportable à partir du moment où il y a le petit gros. La dernière saison. Là, j'arrive pas. Mais alors, étrangement, je l'avais pas vu quand j'étais gamin, ça. Si, moi je l'avais vu et voilà. Et voilà, là, on s'en dispensait. C'est ce qu'il y a de trop, quoi. Capman, il a rien à foutre là-dedans. Donc, ça, c'était pour le petit clin d'œil Gadget. Le Go Gadget au clin d'œil. Go Gadget au clin d'œil, voilà. Alors, tu as les quelques poignées de minutes, si tu veux profiter de l'antenne pour nous dire quelque chose, tant que tu es là. Goldorago ? Goldorago, voilà. Non, rien. Je pense qu'on a fait le tour un petit peu de l'actu, l'actu actuelle. Ok. Donc, je vais m'essayer, alors pour la première fois, puisque je viens juste de l'apprendre, de faire un tic. Ah oui. Ce que j'ai récupéré à l'instru, alors on va voir ce que ça donne. Hein. Allez, vas-y. Donc, tapez pas, hein, parce que c'est un premier essai. Dans la nuit et ses mystères, quand les ombres font peur, le pouvoir de la lumière éclairera ton cœur. N'abandonne pas, si t'es fort, t'auras tous les pouvoirs. Garde un poids qui est en moi, le survivra. C'est la force qui est en toi. Viens, tu te donnes. Un tic te protégera. Le secret des jours anciens raconte une belle histoire. Un pour tous et tous pour un, combattant pour la gloire. N'abandonne pas, si t'es fort, t'auras tous les pouvoirs. Voilà, je suis pas encore au point. Je suis pas encore au point en fait sur le truc. Faut que je l'apprenne encore. Mais pour le 21 juin, je serai au tip-top, je la saurai par cœur, je vous invite. Vous inquiétez pas. Bon, on va se quitter avec Candy, remix, interprété par la femme de Monsieur Savelli. Sandri. Si tu le dis. Je la connais pas personnellement. C'est ce qui est noté sur le CD. Voilà. Donc, on se donne rendez-vous la semaine prochaine, donc sans Actarus, mais peut-être avec Christophe San. Et ça sera pas d'Ars Nerf. Nigo. Voilà, c'est parti, Candy. Amis, c'est très utile. Un peu d'astuce, d'espièglerie.